Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. Butor que tu es. Pourquoi donc? Mon entrée était si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Va, je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fié à toi. Je ferai encore mieux dans la suite. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi! Voici M. Orgon qui vient.